sommes en guerre contre les stachmen mutilateurs d'hymen. En les rasant tous à la chaîne, nous restaurons l'hygiène. La laideur pathétique de leur visage qui pique du bas des brosses cunilinguistiques. Joseph Adolphe ou Saddam, nous vénérons l'amalgame, œil pour œil à travers leurs poils, dent pour dent, on dicte leur loi, œil pour œil à travers leurs poils, dent pour dent, on dicte leur loi. Nous sommes en guerre contre les stachmen mutilateurs du. En les rasant tous à la chaîne, nous restaurons l'hygiène. La laideur pathétique de leur visage qui pique du bas les brosses cunilinguistiques. De l'irritation gynécologique. Hey ! À la mutilation obstétrique, oui. Responsable, oui. Et capable, oui. De septicémie, oui. Coupable, oui. Responsable, oui. Et capable, oui. De septicémie, oui. Coupable, oui.